13h19 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. En m'accueillant, M. X m'a montré une photo, celle d'un petit homme rond et souriant, visage ordinaire, vêtements ordinaires, un homme passe-partout. Et pourtant, cet homme, m'a dit tout de suite mon interlocuteur, a été le personnage clé d'une considérable affaire d'espionnage, une affaire qui nous touche de très près, nous, Français. Mais une affaire dont on ne connaît que les grandes lignes et qui dissimule bien les mystères. Mais avant d'entendre M. X, voyons d'abord la version officielle de la découverte de cette affaire. Le samedi 20 septembre 1969, en début de matinée, Hans Rotzinger, député du canton de Bâle et directeur d'une société d'import-export, inspecte par hasard l'un de ces entrepôts situés en Suisse, à proximité de la frontière allemande. Au moment de son arrivée, il aperçoit l'un de ses employés de nationalité allemande, Hans Strecker, qui stationne devant le bâtiment au volant de sa Mercedes 220. La présence de cet homme n'a rien de très étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est que Strecker démarre dès qu'il aperçoit son patron. Intrigué, ce dernier se livre à une inspection de l'entrepôt. Et c'est ainsi qu'il découvre une petite caisse qui porte l'inscription suivante, secret militaire. À l'intérieur, des papiers de couleur marqués également du tampon secret. Ce sont des croquis, des plans. En bon citoyen suisse, Rotzinger alerte immédiatement le contre-espionnage suisse. Quelques jours plus tard, le procureur fédéral suisse, M. Hans Walder, annonce l'arrestation d'un ingénieur suisse, M. Alfred Fraunert, convaincu d'avoir vendu à des agents israéliens une vingtaine de caisses des plans du Mirage 3S pour la somme de 860 000 francs suisses. Le procureur fédéral déclare solennellement qu'il s'agit de la plus grosse affaire d'espionnage en Suisse depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Fraunert, vous l'avez deviné, est cet homme dont M. X m'a montré la photo. Il faut tout d'abord savoir qu'en raison d'un accord avec la firme Dassault et la SNECMA, une société suisse, l'entreprise Sulzer, fabriquait sous licence des Mirages. Mais, afin d'éviter toute fuite, les Suisses s'étaient engagés à garantir un secret total et des mesures de surveillance draconiennes. C'est dans cette entreprise que Fraunert occupait un poste très sensible. 4 jours après la révélation de cette affaire, le colonel Zvi Alon, attaché militaire de l'ambassade d'Israël à Rome, mais également accrédité à Berne, est déclaré persona non grata et prié de quitter le territoire de la Confédération helvétique. Mais Alon a pris les devants et a déjà quitté la Suisse. Quant à son prédécesseur, le général Nehemia Kain, également impliqué dans l'affaire selon les autorités suisses, il a déjà été rappelé à Tel Aviv. Fraunert est donc en prison. Il sera bientôt jugé. Mais il réfutera l'accusation de trahison. S'il a livré des plans à Israël, dira-t-il, c'était uniquement pour venir en aide à l'État hébreu menacé par ses voisins arabes. Espion par idéalisme, en somme. Une version qui ne satisfait nullement M. X, qui semble bien connaître le dossier. Rendez-vous avec X. Les armes, vous le savez, c'est l'obsession des Israéliens, depuis la création de leur État. Et vous savez bien que la France leur a souvent donné un sacré coup de main. Et s'ils possèdent l'arme atomique, c'est en partie grâce à nous. Oui, mais il y a eu l'embargo décidé par le général de Gaulle. Exactement, hein. Après la guerre des Six Jours. Mais pour Israël, c'était un sacré coup dur. À cause des fameuses vedettes de Cherbourg dont nous avons déjà parlé. Des vedettes qui n'avaient pas été encore livrées et qui seront récupérées par les Israéliens de la façon dont vous savez. Avec la complicité passive des Français, je vous le rappelle. Mais il n'y avait pas que les vedettes. Il y avait aussi 50 Mirage 5 qui avaient été commandés et qui auraient dû être livrés sans l'embargo décidé par le général. qu'Israël comptait aussi acquérir 100 Mirage F1 afin de moderniser complètement sa force de frappe. Et donc cet embargo était catastrophique, hein, mais quand même les Israéliens pouvaient s'approvisionner en avions de chasse aux États-Unis par exemple. C'est ce qu'ils vont faire, mais cette affaire leur a servi de leçon. Mais ils se sont dit qu'il était bien délicat de dépendre d'un fournisseur unique. Et donc ils ont décidé de multiplier leurs fournisseurs. Non pas. D'ailleurs, à qui pouvait-il s'adresser? Il n'y a pas beaucoup de fabricants d'avions de combat au monde, des avions performants, je veux dire. D'autant qu'il n'était pas question pour eux de faire affaire avec les Soviétiques. Alors, ils ont décidé de créer leurs propres avions. Oui, mais pour un petit État comme Israël, ça représentait un effort considérable. Hein? À tous les points de vue, économique, mais aussi technologique. Et c'est là que je veux en venir. Ben, je vous écoute, alors. Pour les Israéliens, l'avion de combat idéal, c'était le Mirage. Un avion qu'ils connaissaient bien et qu'ils avaient même expérimenté dans des simulacres de combat contre un MiG-21. L'appareil qui équipait la plupart des armées de l'air arabe. Un MiG-21 qu'ils avaient réussi à se procurer en parfait état de vol. Mais c'est une autre histoire. Si ça vous intéresse, je connais bien l'affaire, on en parlera un jour. J'enregistre votre promesse. Pendant que les Israéliens veulent fabriquer un sosie du Mirage. Et c'est d'autant plus urgent que la France va livrer des dizaines de Mirages aux Libyens. Mais là aussi, nous en avons parlé à propos des vedettes de Cherbourg. Oui, si je me souviens bien, on a laissé filer les vedettes de Cherbourg en contrepartie de ce fabuleux contrat avec Kadhafi. Exactement. Une affaire très habilement ficelée. Israël sait parfaitement que ces mirages libyens peuvent être mis à la disposition des Égyptiens ou des Syriens. Donc il y a péril en la demeure et il faut faire vite, très vite, encore plus vite. Oui, mais il y a les obstacles technologiques. Bien sûr, les Israéliens ont de très bons ingénieurs, de très bons techniciens, mais un avion du type Mirage ne se conçoit pas en quelques mois. Puis il y a les secrets de fabrication, les machines-outils qu'il faut concevoir, bref. Il faudra sans doute des années de travail avant de faire voler le premier appareil. Alors les Israéliens décident de faire comme les Soviétiques lorsqu'ils ont voulu construire leur première bombe atomique. Ils vont voler les plans. Vous avez trouvé, comme d'habitude, ils vont faire ça très habilement. Mais avant de voir comment ils ont exactement opéré, voyons la surface des choses. La surface des choses, qu'est-ce que vous voulez dire là? Vous connaissez maintenant assez pour comprendre, il y a naturellement une vérité officielle et l'autre, la vraie. Oui, d'accord, alors allons-y d'abord pour la surface des choses, comme vous dites. Alfred Fraunert, ingénieur suisse de l'aéronautique, est un parfait honnête homme. Un citoyen helvétique au-dessus de tout soupçon qui vit paisiblement à Zurich et travaille dans l'entreprise Sulzer, qui fabrique en particulier des mirages sous licence pour l'armée suisse. Il occupe un poste important et gagne très bien sa vie. Son plan de carrière, comme on le dit aujourd'hui, est parfait. Son avenir est assuré. Mais M. Fraunert est aussi un homme qui a du cœur. Ce qui signifie? Ce citoyen suisse sans histoire ne supportait pas l'injustice. Et pour lui, l'embargo sur les armes à destination d'Israël, décidé par le général de Gaulle, était le type même de cette injustice qu'il ne pouvait admettre. Et pourquoi il avait des sympathies particulières pour les Israéliens? Dans son travail, il avait été amené à rencontrer et sympathiser avec des collègues israéliens. Ouais, en Suisse? Non, à Paris, chez Dassault, je crois. Avant l'embargo, bien sûr. Donc, alors, après cet embargo, il s'indigne? Oui, et il cherche le moyen de venir en aide aux Israéliens. Ce qui le scandalise, c'est que même les pièces détachées sont soumises à embargo. C'est-à-dire que l'aviation israélienne ne peut même pas assurer la maintenance des mirages qu'elle possède, à moins de prendre des pièces détachées sur certains appareils pour en équiper d'autres, ce qui affaiblit son potentiel militaire, bien sûr. Et vous dites qu'il cherche un moyen de les aider, mais quel genre de moyen, quand même? Il pense. Je vous donne toujours la version officielle, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Il pense donc très vite à subtiliser des plans et à les fournir à Israël. Les plans de mirage? Oui. Et surtout tous les plans des machines-outils nécessaires à la fabrication des pièces détachées. Et c'est très risqué, parce que ces plans sont couverts par le secret. La firme Sulzer s'était en effet engagée par contrat à ne communiquer à personne ces plans ultra-secrets. Il fallait donc imaginer un stratagème particulièrement subtil pour s'emparer de ces documents et les transmettre aux Israéliens. Et Fraunert a fini par trouver. Trois auteurs, Eisenberg, Dan et Landau, ont consacré un livre à l'histoire du Mossad. Voici comment ils expliquent la prise de conscience de Fraunert au cours d'un dîner avec ses collègues israéliens. Un soir qu'ils dînaient ensemble, l'ingénieur suisse remarqua sur l'avant-bras de l'un de ses compagnons un tatouage mystérieux. Puis-je demander ce dont il s'agit? C'est un souvenir de mon séjour forcé à Dachau, répondit l'israélien. Fraunert était embarrassé et troublé. Au point qu'à son prochain voyage en Allemagne, il s'arrangea pour faire une visite symbolique au mémorial de ce camp de concentration. Le soudain embargo imposé par le président de Gaulle en 1967 fut un choc non seulement pour les Israéliens, mais également pour Alfred Fraunert. Il était mieux placé que quiconque pour savoir que le refus de Paris de livrer les pièces de rechange vitales pour les Mirages bloquerait au sol l'ensemble de la force aérienne israélienne en cas de guerre un peu prolongée. Comme beaucoup de Suisses, l'ingénieur avait reçu une éducation plutôt stricte. Avec ses principes moraux, il était révolté par le cynisme avec lequel les Français poignardaient Israël dans le dos au moment précis où ils avaient le plus grand besoin de secours, au beau milieu de la guerre qui menaçait leur existence. Il considérait également comme impardonnable le refus de De Gaulle de livrer les 50 mirages juifs commandés et payés. L'ingénieur suisse décida que l'indignation morale était à elle seule insuffisante. Lui, Alfred Frondnert, allait faire quelque chose pour aider les Juifs. C'était la décision la plus impressionnante qu'il ait jamais prise. Et quand son plan fut établi, il se mit au travail avec une efficacité totale et inspirée. Une explication qui me semble pour le moins romanesque. Mais, d'après M. X, cette fable, car c'en est certainement une, fait aussi partie de l'affaire Frondnert. Tout de suite, son récit. Je poursuis donc le récit de la version arrangée. Frondnert a donc une idée lumineuse. Il va voir son patron et lui propose de faire des économies. Un patron écoute toujours avec bienveillance ce genre de discours. C'est juste, mais quelle proposition exactement ? Frondnert parle des plans du Mirage et en particulier des réacteurs. Ces documents, rangés dans de nombreuses caisses, occupent beaucoup de place. Or, la société Sulzer, dont les activités sont en plein essor, est logée à l'étroit. Et elle doit même louer des entrepôts pour stocker ses matériels. Frondnert propose donc de microfilmer les plans. Mmh. Et les originaux, qu'est-ce qu'on les brûle. Ah bon. Le gain en place sera très appréciable, il en résultera donc des économies. Alors j'imagine que le patron est enthousiaste, mais il donne aussitôt son accord. Naturellement. Hein. Mais Frondnert, qui a pensé à tout, ajoute que l'incinération de ces documents ultra-secrets devra se faire dans des conditions absolues de sécurité. C'est-à-dire Frondnert suggère de faire appel à une société spécialisée, société étroitement contrôlée par les services secrets suisses. Et pour réaliser l'opération, on met au point un protocole très rigoureux. Quoi ? D'abord, il sera fait une seule photo de chaque document. Cette prise de vue aura lieu en présence d'un officier de la sécurité militaire et dans un local isolé. Les caisses seront ensuite transportées dans un véhicule jusqu'à l'incinérateur municipal qui se trouve à un quart d'heure d'auto de l'usine. Deux gardes armés surveilleront le chargement et le déchargement. Ça me semble un effet très sérieux. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, c'est Frondnert lui-même qui va superviser l'opération. Frondnert qui souligne qu'il y a quand même un risque. Le risque, c'est avec le transport. Oui. Mais pour conduire le véhicule, il propose un chauffeur de confiance, son propre cousin. Tiens donc. Oui, vous avez compris. Frondnert montre là le bout de son nez. Mais écoutez la suite. Le photographe réalise donc une prise de vue de chaque plan. C'est un travail lent et fastidieux, car il y a des dizaines de milliers de documents. Chaque soir, avant de quitter le studio, l'homme est fouillé. Et les agents de la sécurité rangent soigneusement, jour après jour, les documents dans leurs caisses. Une fois par semaine, ces caisses sont chargées dans une fourgonnette, direction l'incinérateur, et le très minutieux Frondnert s'installe dans l'auto, aux côtés de son cousin chauffeur. Mais est-ce que c'est vraiment la place d'un cadre supérieur, ça ? Bien sûr que non. Mais personne ne s'étonne et on loue au contraire la conscience professionnelle de Frondnert qui tient à veiller lui-même sur les documents jusqu'au moment où, après avoir compté le nombre de caisses et de cartons, un officier de la sécurité militaire jette les plans dans l'incinérateur et signe un récépissé de destruction en double exemplaire à l'intention de la firme Sulzer. Alors où est le loup ? Parce que il y a un loup, c'est sûr. Hein ? J'y viens. Et vous allez voir, le système mis au point par Frondnert était vraiment très ingénieux. Le trajet en voiture de l'usine à l'incinérateur durait à peu près un quart d'heure, vous avez dit. Imaginez maintenant un local, un garage par exemple, situé sur le trajet. L'auto entre dans ce garage, les caisses sont déchargées, remplacées par des caisses tout à fait semblables, et le véhicule repart vers l'incinérateur. L'opération n'a pris que 2 ou 3 minutes tout au plus. Mais d'accord, mais enfin, dans les caisses, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que l'officier de la sécurité militaire doit quand même vérifier les documents avant de les brûler. Et il y a des plans dans les caisses. J'entends bien, mais quel plan ? De vieux documents sans importance que Frondnert a récupérés ici et là. Oui, mais ce ne sont pas des plans de mirage. Non, mais l'homme de la sécurité militaire n'est pas un ingénieur. Il n'y connaît rien. Et puis sur les cartons, sur les premières pages, il y a la mention secret. Donc même lui n'a pas le droit d'être trop curieux. Oui, c'est effectivement assez bien vu. Hein. Et ça fonctionne pendant des semaines et des semaines sans que personne ne se pose de questions. Oui, mais les caisses de vrais plans, hein, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Chaque samedi, Frondnert et son cousin retournent dans le garage où a eu lieu la substitution. Il prépare les caisses de faux plans pour la semaine suivante. Puis il charge les vrais plans dans une auto et ils partent en direction de l'Allemagne. Ils passent la frontière ? Pas eux, non. Ce serait trop risqué. Ils déchargent les caisses dans un entrepôt situé dans une zone industrielle tout près de la frontière. là un chauffeur de cette société qui a l'habitude de passer la frontière pour son travail et qui connaît donc très bien les douaniers des deux côtés, prend en charge les caisses et les fait passer en Allemagne. Et ensuite ? Le chauffeur, un certain Strecker, se rend sur un discret petit terrain d'aviation qui accueille des avions privés. Les caisses sont chargées à bord d'un petit appareil qui décolle aussitôt pour un aérodrome du sud de l'Italie, où attend un avion de la compagnie El Al. Et voilà, le tour est joué. Ça paraît presque trop simple. En tout cas, c'est très efficace, car de cette façon, la presque totalité des plans du Mirage va arriver ainsi en Israël. La presque totalité, là donc, qui ne sont jamais arrivés. Et que voulez-vous, même dans les systèmes les mieux huilés, il peut se glisser un grain de sable. Mais là, le grain de sable, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est? Vous voulez la version officielle ou l'autre, la vraie? Écoutez, je ne vais pas vous faire de peine, donnez-moi d'abord la version officielle. Merci. Alors voilà, un beau samedi, le propriétaire de cet entrepôt situé près de la frontière prend la fantaisie d'aller faire une petite visite de son entreprise. Devant le hangar se trouve une auto. Et au volant, il y a Strecker, l'un de ses chauffeurs. Le patron s'étonne de le voir là un samedi? Un peu, oui, puisque l'entreprise est fermée. Mais ce qui l'étonne encore plus, c'est que Strecker, dès qu'il aperçoit son patron, démarre en trombe et disparaît. Et ça va lui donner la puce à l'oreille. Naturellement. Alors ce patron décide d'inspecter son hangar. Et comme par hasard, il découvre une caisse portant la mention « secret ». La suite, vous l'imaginez, les autorités suisses sont alertées, Raunert est arrêté. Et il avoue sans difficulté. Sans difficulté, pour quelle raison? Parce qu'il a une parfaite bonne conscience. Il a agi de la sorte pour venir en aide à Israël. Et en aucune façon, il n'a nui aux intérêts de son pays. Bref, légalement, il a eu tort, mais pas moralement. Une étrange façon de voir, hein? Non, Raunert est très sûr de lui. En tout cas, il a nui aux intérêts de la France. À peine. Il dira même lors de son procès qu'en réalité, toute cette affaire a fait une formidable publicité pour les Mirages et la Maison d'Assaut. Il ne manque pas de culot, quoi. Ça, c'est vrai. Alors, il est peut-être temps maintenant de me dire l'autre vérité. Vous avez bien compris que cette histoire de la visite par hasard du patron à son entreprise semblait cousue de fil blanc. Oui. En réalité, cet homme, qui était par ailleurs député, est venu jusqu'à son hangar parce qu'il avait été préalablement informé qu'il se passait quelque chose de louche chez lui. Qu'il l'a informé, alors? Ça, je ne le sais pas exactement, mais c'était pas très facile à deviner. Qui avait intérêt à dénoncer ce vol de documents? Je sais pas moi, des ennemis d'Israël, par oui, exemple. Oui, des États arabes, à moins qu'il ne s'agisse du KGB. Et des services français, vous? Non. Ah bon, vous êtes formel? Oui, pour au moins deux raisons. D'abord, je l'ai souvent dit, dans les services, nous avions plutôt de la sympathie pour Israël, avec qui nous avions collaboré très étroitement pendant des années. Donc les services étaient hostiles à l'embargo décidé par le général de Gaulle? Globalement, oui. Alors la deuxième raison? Nous étions parfaitement informés de ce trafic de plans. Je pense même que quelques-uns dans les services l'ont non seulement approuvé, mais favorisé. Avant d'écouter la suite du récit de M. X, je voudrais vous lire un extrait d'un livre de Steve Ethan, intitulé « L'œil de Tel Aviv ». Extrait qui confirme, en partie, les complicités françaises dans cette affaire et souligne l'urgence pour les Israéliens de fabriquer un avion de chasse. En fait, dès le lendemain de la guerre des six jours, la priorité des priorités est réservée à l'appareil de combat israélien, qui doit ressembler comme un frère au Mirage, mais que tout le monde dans le pays appelle très vite le Super Mirage. La construction de la Vara, celle du Commodore Jet, il s'agit de deux avions civils, permettent de se faire la main, d'acquérir le savoir-faire nécessaire et aussi de se procurer en Europe et particulièrement en France les machines-outils nécessaires et aussi certains métaux assez rares nécessaires à la fabrication des alliages spéciaux. Malgré l'embargo, les douanes françaises ferment les yeux, qu'elles soient dupes ou non du caractère civil de certaines commandes. Un grave problème se pose cependant très vite. Il ne suffit pas d'avoir déjà des Mirages et de les connaître très bien pour en construire d'autres. Il faut encore savoir quelle machine-outil est capable de construire quelle pièce et quel doit être exactement son réglage. D'où l'opération entreprise en Suisse qui permettra par exemple aux ingénieurs israéliens de s'apercevoir que telle pièce essentielle sur laquelle ils séchaient depuis longtemps était tout simplement fabriquée chez un sous-traitant de Sulzer sur une machine-outil dont la destination normale était la fabrication de boîtiers de montres. Malgré l'arrestation prématurée d'Alfred Fronnert, la moisson aura été fructueuse et aura permis aux Israéliens de gagner près de 3 ans sur leurs prévisions initiales. Al Schwimmer, c'est le responsable du projet, avait d'abord prévu le vol du premier prototype pour 1974. Dès la fin de l'année 69, il est en mesure d'annoncer cette première à Moshe Dayan pour la fin de l'année 1971. Plus loin, le même auteur affirme que les attachés militaires occidentaux ont mis longtemps avant de prendre au sérieux le super mirage israélien baptisé Kfir, c'est-à-dire le jeune lion. L'idée qu'un petit pays puisse construire si rapidement un appareil supersonique et déjà très sophistiqué n'était ni logique ni même raisonnable. Alors les Français ont donc aidé en catimini les Israéliens dans cette affaire. Incontestablement. J'en ai pas la preuve, mais je crois même savoir que ce sont des gens des services qui ont suggéré au Mossad de tourner l'embargo décidé par le général de Gaulle, en passant par la Suisse, où la société Sulzer fabriquait des mirages sous licence. Non, ce que vous dites là, ça signifie que la version de l'affaire, là, selon laquelle Fronnert seul a pris l'initiative d'aider Israël, est complètement fausse. Bien évidemment. Mmh. Attention, je ne dis pas que Fronnert n'avait pas de sympathie sincère pour l'État hébreu. Mais n'oublions pas qu'il a été rémunéré assez grassement. Même. Ça se comprend. Hein. Voler l'ensemble des plans d'un mirage, c'est un prix. Considérable, oui. Il faut reconnaître que Fraunert n'a pas été très gourmand. Il aurait pu demander beaucoup plus que les 200 000 dollars qu'il a reçus. Mais l'important, c'est qu'en aucun cas, il n'a pris l'initiative de voler les plans. Ça, c'est une histoire qui a été construite après coup pour atténuer la gravité de la faute de Fraunert, mais surtout pour dissimuler la responsabilité des Israéliens dans cette affaire. Afin d'éviter peut-être un incident diplomatique. Bien sûr. Mm. Les Suisses, vous ne l'ignorez pas, sont assez chatouilleux dès qu'il s'agit d'opérations illégales sur leur territoire. Je voulais encore montrer, il y a peu de temps, en vous racontant l'affaire de l'assassinat de Félix Moumier. Donc, il ne fallait pas que le Mossad apparaisse trop visiblement. C'est pour cela que Fraunert a prétendu que s'il avait volé les plans, c'était pour venir au secours d'Israël, gravement menacé par ses voisins arabes. Mmh. Peut-être, mais enfin, ça ne pouvait quand même pas tromper longtemps les Suisses. Oui, mais il fallait préserver les apparences. C'est pour ça que les plans volés étaient embarqués depuis un aérodrome allemand et non pas suisse. Mmh. Mais d'après vous, donc, toute l'affaire était réellement pilotée par le Mossad. Évidemment. Tenez par exemple ce chauffeur dont je vous ai parlé. Le nommé comment ? Strecker, c'est ça ? Oui, eh bien cet homme qui prétendait être un réfugié d'Allemagne de l'Est était en réalité un agent israélien. Et il ne s'était fait engager dans cette société que pour passer les plans de Suisse en Allemagne. Mais il a été arrêté, lui ? Non, il a disparu, purement et simplement, dès ce samedi où il a été surpris par son patron. Autre chose qui vous convaincra sans doute, admettez que l'affaire était particulièrement ingénieuse, cette histoire de microfilm du garage situé entre l'entreprise Sulzer et l'incinérateur, de la substitution des plans, etc. Vous pensez qu'un homme seul aurait pu imaginer et concrétiser un tel montage ? Non, à l'évidence, c'était l'affaire d'un service secret. Et pour la forme, les Suisses qui avaient tout compris ont expulsé le représentant local du Mossad. Oh, ils ne pouvaient quand même pas faire moins. Hein. Vous avez raison. Non. Mais est-ce qu'on a une idée de l'importance du vol ? À peu près, oui. Il semble qu'il y avait au total 24 caisses de plans. Fraunert a réussi à en subtiliser 20. La presque totalité, donc. Et cette brillante opération a eu les résultats que vous savez. Les Israéliens ont pu concevoir et construire en un temps record un avion qui ressemblait étrangement au Mirage 3S. Et Fraunert, là, qu'est-il devenu, lui ? Je vous ai dit qu'il avait été arrêté très peu de temps après la découverte de la caisse de plans dans cet entrepôt situé à la frontière avec l'Allemagne. Je vous ai expliqué aussi son système de défense, un système qui n'avait pour but que de dédouaner le Mossad. Et qui, entre parenthèses, lui attribuait le beau rôle. Exactement. Hein. Restait à définir le chef d'inculpation retenu contre lui, puis à le juger. Bah, le chef d'inculpation, c'était trahison au profit d'une puissance étrangère, hein ? Non, c'était pas aussi simple que ça. Après tout, les plans n'étaient pas suisses, mais français. La société Sulzer n'en était que le dépositaire. Donc c'est vrai, il n'y a pas eu vraiment d'atteinte directe aux intérêts helvétiques. Alors quel chef d'inculpation a été retenu ? Les magistrats avaient le choix entre un article du code pénal qui réprime la divulgation de renseignements économiques et un autre article du code militaire qui punit l'espionnage et la divulgation de secrets d'ordre militaire. Dans le premier cas, Fraunert risquait 3 ans de réclusion, dans le deuxième, 20 ans. J'imagine donc que ces avocats ont tout fait pour que ce soit le premier chef d'inculpation qui soit retenu. Hein. Bien sûr, mais ils ont échoué. Fraunert a donc été lourdement condamné ? Eh bien non, si surprenant que cela paraisse. Ah, pourquoi alors ? Je crois que Fraunert a incontestablement bénéficié d'un certain capital de sympathie. D'accord, il avait touché de l'argent des Israéliens. C'était bien peu par rapport à ce qu'il aurait pu exiger. D'autre part, la dimension morale de son acte a été soulignée et surtout ses avocats ont chatouillé l'amour-propre des magistrats en rappelant une histoire bien embarrassante pour la Suisse. C'est-à-dire, vous voulez parler de quoi, là ? Un citoyen helvétique, un type du nom de Grüninger, avait été condamné après-guerre pour avoir permis à plus de 3000 juifs de trouver refuge en Suisse, malgré les ordres de ses supérieurs. Et on l'a condamné ? Oui. Mais les autorités ont ensuite été obligées de le réhabiliter. Et les avocats de Fraunert ont dit « Notre client n'a pas fait autre chose ». Il a agi en état de nécessité. Et donc, c'est ce qui lui a valu cette condamnation légère ? Ça, et aussi le fait que les services secrets suisses avaient failli. Failli. Écoutez, il faut bien reconnaître que le Mossad les avait roulés dans la farine, non ? Mais est-ce que les Israéliens ont exprimé leur reconnaissance à Fraunert ? Oui et non. Le récompenser, c'était reconnaître l'implication totale du Mossad dans l'affaire. C'était donc difficile. Alors on s'est contenté d'inviter Fraunert en Israël. Après sa libération. Oui, mais pas officiellement. C'est un citoyen ordinaire qui lui a envoyé cette invitation et qui a payé ses frais d'hébergement. Toutefois, il n'est pas exclu que les Israéliens aient trouvé une autre façon de remercier discrètement l'homme qui leur a permis de construire aussi rapidement leur sosie du Mirage. D'après la Gazette de Lausanne, Alfred Fraunert a transmis aux Israéliens environ 2000 dessins de pièces de propulseurs, 80 000 à 100 000 descriptions de méthodes de travail, 40 000 dessins de machines-outils et 15 000 spécifications concernant divers éléments et procédés. Au total, des centaines de kilos de documents. Dans le même journal, le 25 juin 1971, on lit ce commentaire après la condamnation de Fraunert à 4 ans et demi de réclusion. On peut s'interroger sur la relative modération de la peine qui permettra à Alfred Fraunert de retrouver la liberté dans le courant de l'année 1972. Il semble que la Cour ait tenu compte du fait que, selon les propres termes du dispositif, l'ingénieur de chez Sulzer n'est pas un espion ordinaire. Malgré la somme considérable qu'il a touchée, et dont le solde échoit assez curieusement à la Confédération, Fraunert n'a pas été attiré en premier lieu par l'appât du gain. Il n'a pas voulu non plus causer de dommages à la Suisse. Enfin, on peut admettre que le préjugé favorable dont jouit dans notre pays l'État d'Israël a joué un rôle dans ce jugement. Merci à Patrick Pénaud et à samedi prochain.